Cours numéro 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qawlu al-muallif rahimahullah, idha arafta ma qultu lak ma'rifata qalbin وعرفت الشرك بأن بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا قال أفادك فائدته أي après avoir cité anna da'wata jami' ar-rusul alayhim as-salatu was-salam mabniya ala madha tafaddal mabniya ala tawhid al-uluhiyya mabniya ala tawhid al-uluhiyya tawhid al-ibada ma ad-dalil tafaddal akmil ad-dalil huwa wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an na'am دليل آخر كي montre أن الأنبياء دعوا إلى هذا الأصل العظيم تفضل أحسنت هذه هي دعوة جميع الرسل فسي tu as compris هذا وكذلك si tu as compris أن الشرك سأنل et ça contredit هذا الدين بالكلية الشرك الأكبر ما الدليل تفضل أحسن ذكره المؤلف رحمه الله. Si tu as compris هذا et كذلك si tu as compris la différence entre توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية, la différence entre معنى الرب ومعنى الإله, c'est quoi la différence باختصار عند من تفضل الرب والخالق والمدبر والإله والمعبود. فما الفرق؟ فأكسبيكي لي دول أهل. الفرق الرب في الربوبية والإله في الألوهية لا بس عند من؟ ها؟ الفرق يعني هو الأعمال توحيد الربوبية هو أعمال أعمال الله أو تغليه وتوحيد الألوهية وأعمال العباد. نعم لكن دعنا ندخل درس إلى ستة فروق عظيمة. الربوبية الكفار اعترفوا بتوحيد الربوبية أما توحيد الألوهية فلا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب كذلك أن الربوبية تسوفي بابي رنتري في الإسلام بني الإسلام على خمس قال عليه الصلاة والسلام البرومي بيلي لا إله إلا الله أي لا معبود لأن الإله بمعنى المعبود أي توحيد الألوهية. فpour rentrer في الإسلام لا بد من توحيد الألوهية. Les différences أن توحيد الربوبية ça implique celui qui croit أن الله عز وجل هو الخالق فلا بد أن يفرده بالعبادة توحيد الألوهية. C'est ça le مهم. Si vous avez compris هذه المقدمة قال أي هذا العلم العظيم. Cette différence entre التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء et la reconnaissance que كفار قريش ont accepté si tu as compris هذا أفادك فائدتين قال رحمه الله أي deux points importants tu vas retirer de tout cela قال الأولى la première فائدة الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأفادك أيضا الخوف العظيم. Donc deux, il a cité deux فوائد, deux leçons importantes que tu retires de tout cela. La première, الفرح. الفرح بفضل الله. أي celui qui adore Allah سبحانه وتعالى seul, qui déteste le shirk, qui déteste les mushrikin, qui a compris دعوة الأنبياء أن la voix de tous les prophètes et tous les messagers, elle est basée sur hada tawhid. Il faut adorer Allah seul. Celui qui a compris ma'na la ilaha illallah. Ay la ma'bouda bi haqqin illallah azza wa jal. Celui qui a compris anna le fait de reconnaître al-rububiyya, anna Allah c'est le khaliq, al-raziq, ça ne suffit pas. Même si c'est important, ça ne suffit pas. Et anna le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au kuffar, قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Et ils ont refusé. Et ils ont refusé de délaisser leurs idoles. Donc si tu as compris هذا, alhamdulillah, t'es dans une ni'ma azima. Et al-mu'min, al-mu'ahid, il doit pas oublier هذا. لأن cette ni'ma, ça va impliquer al-shukr. أما celui qui est في غفلة عن هذه النعمة فإلى في غفلة سحيقة كبيرة. Ça c'est أكبر نعمة. Incomparable avec les enfants, avec l'argent, avec la bonne santé. C'est incomparable. لماذا؟ لأن هذه النعمة نعمة الإيمان نعمة التوحيد. C'est la cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi. C'est la cause pour rentrer fil Jannah. C'est la cause pour être heureux في الدنيا وفي الآخرة. قال عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. أي مما يجمعون من الدنيا. بعض الناس يفرحون quand ils ont quelque chose من الدنيا. Alors que الدنيا c'est éphémère. L'argent, les biens, tout cela c'est éphémère. Un jour tu as de l'argent, peut-être que le lendemain tu n'as plus rien. Est-ce que ça veut dire que tu as tout perdu? Abadan. لماذا؟ لأن il te reste cette ni'ma. قل بفضل الله وبرحمته. هذا الفضل من الله الإسلام الإيمان. C'est une ni'ma qui est très très importante. قال الشيخ الفوزان حفظه الله أي العلم بهذه الحقائق يفيدك فائدتين. العلم بهذه الحقائق أي toute cette introduction qu'on a lu ensemble ولله الحمد أي sur التوحيد. قال الفائدة الأولى أنك تفرح بفضل الله حيث من عليك بمعرفة الحق من الباطل فإنها نعمة عظيمة حرم منها الكثير من الخلق. هذا فالجامل بلي أخيك. كم من الناس سيبادي مسلمون. أكثر الناس سيبادي مسلمون. Si tu viens à regarder l'an, la population mondiale, la plupart c'est pas des musulmans. La plupart c'est des koufars. Les musulmans ils sont en infériorité. كذلك, si tu te rappelles l'an, كثيرا من الناس, ils ignorent هذا التوحيد. كثيرا من الناس يخالف هذا التوحيد. كثيرا من الناس ils appliquent pas هذا التوحيد. Si tu te rappelles هذا, et ça c'est important في النعم. أن quand tu as une ni'ma, tu te rappelles أن beaucoup de gens ils ont pas cette ni'ma. Si tu es en bonne santé, fahmadillah, combien de personnes ils n'ont pas la bonne santé? Peut-être qu'ils sont cloués sur un lit d'hôpital 8 jours. Et anta walillahi alhamd, tu as la santé. Alors ça te permet d'être reconnaissant et kadhalik tafrah, d'être heureux. Amma celui qui regarde que les autres, qui sont meilleurs que lui, qui ont plus que lui, c'est yatab. خاصة في أمور الدنيا. أما في أمور الدين في العلم إلى آخره سموتيف. أما في أمور الدنيا لا. لا كوز عيادا بالله une porte ouverte pour الطمع. أي faire des efforts que pour الدنيا pour arriver comme les autres. قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وفضل الله هو الإسلام ورحمته هي القرآن. قل بفضل الله الإسلام وبرحمته القرآن. الإسلام كي يفوندي سوغ التوحيد. القرآن سي لا باغول دالله سبحانه وتعالى وكله توحيد. سنموت خلنا أعظم نعمة سي هذا التوحيد سي الإسلام. الإسلام سي التوحيد. لماذا؟ لأن الإسلام سان توحيد سي بلو إسلام. إما سي دو كفر، إما سي دو شرك، إما إلحاد، إما زندقة، إما نفاق. أما إسلام أوتنتيك سي فورسيمون بازي سور التوحيد. لو بروميي بيلي دو الإسلام لا بد. قال فليفرحوا فرح شكر واعتراف بالنعمة. والفرح بفضل الله مشروع. تأملوا أن هذا الفرح لماذا؟ لأن سي من باب الشكر سا فا لو بوسي ا إتر ريكونيسون. كذلك أنه يعترف أي يخوكنا يسي كست نعمة سمين الله. قال والفرح بفضل الله مشروع لأنه شكر لله عز وجل على نعمة التوحيد ومعرفة الشرك. وهذه نعمة إذا وفقت لها فإنه قد جمع لك الخير كله. كل ما يلي في هذا Donc nos efforts, ça doit être fihal. Ça ne doit pas être que sur le travail, que sur l'argent, que sur les projets. Là, si c'est moubah, si c'est halal, c'est halal, tant que ça ne prend pas, ça ne déborde pas sur notre din. Et ça nous pousse à faire des choses interdites. Ça reste halal. Mais qu'il n'a plus grande ni'ma, c'est halal. Enfin, donne-lui du temps. Et tu verras que si tu as cette ni'ma, alhamdulillah. Comme a dit le Cheikh, qu'il jama'a lak al-khayr kulla. Tout le bien, tu l'auras. Bi-idnillahi azza wa jal. قال الفرح بالنعمة مشروعا ما الفرح المنهي عنه فهو الفرح بالدنيا كما قال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع نعم سكي يفرحون بالدنيا et dépassent les limites في هذا ils oublient leur dîm عياذا بالله ça devient une fitna ses enfants ça peut être une fitna son épouse ça peut être une fitna. C'est bien, ça peut être une fitna. Ça va l'écarter de son deen. Il n'y a aucune raison dans ce cas-là d'être heureux d'avoir ces choses. Ben, wallahi, c'est triste pour celui qui a du ilm et qui connaît At-Tawhid et qui connaît l'explication de ce genre de verset. Il sait, Anna, l'argent et les biens de cette dunya, ce n'est pas forcément un bien. Allez, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des ayats. قال وفرحوا بالحياة الدنيا. أي بعض الناس يفرحون quand ils ont الدنيا ils oublient leur دين قال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع c'est quelque chose qui restera pas c'est pour ça qu'il ne faut pas s'accrocher زيادة dépasser les limites بعض الناس يعيشون في هذه الدنيا comme s'ils allaient jamais mourir فلهذا يفرحون quand ils ont des biens de cette دنيا حزن وضيق وهم وغم quand ils perdent quelque chose de dunya, tristesse, angoisse, il a akhir. Amma al-mu'min là, l'essentiel c'est son din. Si il a din, falhamdulillah. Qala, falfarah bid dunya, wa hutamuha madhmoum, amma al-farah bid din, wa al-farah bil ilm al-nafi' fa hada mashru' li'anna Allah amra bih. C'est min afdal al-ibadat, hada al-farah. Limada, li'anna ça montre anna hada l'insan il a du khayr. Et ça montre que son qalb il est salim, il est tayyib, annahu yafrah bid-din, yafrah bil-ilm. Quand il a appris quelque chose, yafrah. Quand il a réussi à faire une ibada, yafrah. Quand il est régulier, yafrah. Ça montre que son cœur il est vivant. Qala wal fa'idatu thaniya. Donc la première, al-farah. Être heureux, être content d'avoir compris ces choses et les mettre en application. At-tawhid. قال والفائدة الثانية أنك إذا عرفت التوحيد الصحيح وعرفت الشرك القبيح زي remarqué ces deux points connaître le tawhid pour l'appliquer et connaître le shirk pour s'en écarter دائما ces deux points لا إله إلا الله لا إله أي on s'écarte du shirk de tout ce qui est adoré parmi les créatures إلا الله on doit adorer Allah seul c'est ça معنى لا إله إلا الله connaître le tawhid l'appliquer connaître le shirk pour s'en écarter فإن ذلك يفيدك الخوف أن تقع فيما وقع فيه كثير من الناس بالمخالفة لها بالمخالفة لهذا الأصل والوقوع في الشرك وأنت لا تدري هذا العلم. Plus tu fais des efforts في التوحيد, plus tu as compris, لا شك que tu vas être content من جهة et من جهة أخرى d'un autre côté tu auras peur. Ça va te pousser à avoir peur. لماذا؟ لأن on n'est pas à la voie. Qu'on est vivant, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri des péchés, on n'est pas à l'abri de l'bid'a, de l'innovation, bel, on n'est pas à l'abri du shirk et du kufr. Lihada, l'insan, ce khawf kadali qui doit le pousser. Kama anna al-farah. Ça doit pousser le mu'min à être reconnaissant, à faire des efforts et la akhiré. Lihada, le khawf kadali, ça doit le pousser à faire encore des efforts, plus d'efforts, et demander à Allah subhanahu wa ta'ala husn al-khatima. Et ça, c'est muhim. Demander حسن الخاتمة دائما كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أي demander à Allah سبحانه وتعالى de mourir على هذا الدين de mourir على هذا التوحيد لأن بعض الناس ربما ils étaient على حال حسن et تغيروا avant de mourir ils ont changé ils sont morts على الشر بعض الناس c'était des musulmans et ils ont délaissé l'islam, c'est devenu des kafras, ils sont morts. Donc ça doit nous pousser à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mukhlis, Allah yuwaffiqhu. Celui qui est sincère dans sa ibadah, dans son apprentissage, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Lakin, ça doit nous pousser à avoir peur. Et la hâte de cette sincérité, elle peut changer à cause de certaines causes. Comme l'insan, iyadan billah, yahlak. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, kazalik, anna hadha al-khawf, ça doit nous pousser à ne pas prendre les autres de haut, celui qui ne sait pas. Anna ka anna nahnu on est à l'abri. Et on pense qu'on est guidé jusqu'à qu'on mourra. Et les autres, ils sont égarés jusqu'à qu'ils mourront. Là, si tu peux aider, montre. Khassatan bil-ilm. Si tu peux montrer à ha'oula, tu leur montres. Voilà, tafrah, anna fulal, il s'est égaré. Abadan. Nafrah, c'est un ennemi de l'islam, na'am. Il fait du mal à l'islam et il lui arrive à quelque chose. Na'am, al-farah fi hadha, c'est mashrou'. Amma, mitla, ba'd al-nas, khassatan. Rabbama, c'est un musulman, là, à cause de son ignorance, il khalif certains points dans ce sujet. Ça va t'apporter à quoi de te croire plus élevé que lui? Ça apporte à rien. Là, tu lui montres. Et s'il a du sang, tu t'écartes de lui et tu fais du'a à Allah subhanahu wa ta'ala, yakfik sharra. Qala, fa inna dhalika yufiduka al-khouf. أن تقع فيما وقع فيه كثير من الناس بالمخالفة لهذا الأصل والوقوع في الشرك وأنت لا تدري فلا تأمن على نفسك من الفتنة فلا تغتر بعملك أو بفهمك صحيح الاغترار بالنفس الغرور c'est très très grave. لا تظن أن avec cet apprentissage que tu fais du tawhid أن خلاص c'est suffisant. لا, ça c'est une cause. الإنسان dans cette cause il doit être sincère. والله سبحانه وتعالى كريم لكن demande دائما السلامة والثبات. أما celui qui pense أنه il arrive à s'accrocher à sa religion, à faire des efforts, لماذا؟ لأنه il est intelligent, لأنه il fait beaucoup d'efforts, هذا c'est un مخذول. هذا il connaît pas الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن الصالح دائما il craint, il a peur. خوف ورجاء. Le premier, le farah, yafrah, il espère, il a akhiri, la première fois, il a taqattabat ma'ana, et la deuxième, c'est fondé sur le khouf. Le mu'min, il a peur. Il a peur, limada, li annahu, il sait qu'il n'est pas à l'abri. Et il va citer un mital tayyib. Fa ta'ammalhu, qala. Fa la ta'amman ala nafsik min al fitna, fa la taghtar bi amalika ou bi fahmik, wa lakin qul la hawla wa la quwata illa billah. ذكر عظيم أي قوله لا حول وكنسي بدأت لمو تحول أي لفت de se déplacer لفت de changer de situation فلا حول ولا قوة إلا بالله أي celui qui dit ce ذكر il connaît le معنى أي quand il va le dire ça va le pousser à avoir peur et كذلك à placer sa confiance en Allah يتوكل على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أي le fait que toi, moi et tous les mu'minis, walillahi alhamd, on est rentré fi hadha l'islam, on a accepté hadha l'islam, c'est bi hawlillah wa quwwatihi azza wa jalla. C'est Allah qui a voulu. Amma les causes qu'on appelle sont minimes par rapport à hadha l'fadl, par rapport à ce bienfait à l'islam. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Fali hadha, le fait de prononcer ces adhkar, c'est très très important, lakin en comprenant le sens. Mais comme il y a des gens qui répètent « La hawla wa la quwwata illa billah » ils disent « La hawla wa la quwwata illa billah » quand ils ne sont pas d'accord ou quand ils sont énervés. Wala ya'lamuna al-ma'na. Amma celui qui connaît le sens, quand il va le dire, incha'Allah ta'ala, il va avoir beaucoup d'impact sur sa vie. « La hawla wa la quwwata illa billah » et la haqiqa, cette kalima, il faudrait l'expliquer dans une muhadara, limada, li anna fiha fawaid kathira. Qala was'alillah al-thabat fa inna Ibrahim al-Khalil alladhi a'tahu Allah min al-ilm wal-yaqin ma lam yu'ti ghayrahu illa nabiyyan yaqul wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam rabbi innahunna adlalna kathiran min al-nas. Ibrahim, afdal al-bashar après notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alihada qala Cheikh al-Fawzan illa nabiyyan. Aïe notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. il est afdal, il est meilleur que Ibrahim, bil ijma. Et les deux, ils sont considérés, walillahi alhamd, en tant que Khalil, Khalilullah. Le prophète sallam c'est Khalilullah et le prophète Ibrahim kadhalik, al Khalilan. Les deux meilleurs êtres humains. فَمَعَ هَذَا مَاذَا قَالَ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمِ. Cette sourate qui porte le nom du prophète Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam, قال وَجْنُبْنِي وَبَنِيَا أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Pourtant c'est Imam al-Muhiddin, pourtant c'est Aslam, comme ta'lamoun, c'est lui qui les a cassés, c'est lui qui a combattu ses idoles et ceux qui adoraient ses idoles, c'est lui qui a montré aux autres بإذن الله عز وجل de s'écarter de ses idoles. Et il détestait ses idoles. مع هذا, il a fait ce dua. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَا أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام, il avait une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala azima. كذلك, il savait la gravité de هذا الشرك, il a fait dua. أما tu trouves الآن بعض المخذولين, ils parlent de shirk, ou plutôt quand ils sont conseillés, ils doivent mettre en garde contre shirk. C'était à l'époque de Quraysh. Il n'y a plus de shirk. C'est des juhal. Ils ne connaissent pas le tawhid, donc ils ne connaissent pas le shirk. Et كذلك, ils ont un va'af. Ils ne connaissent pas Allah Azza wa Jal. كذلك, ça montre l'importance de d'éduquer nos enfants à l'had. Et faire du'a pour eux contre هذا الخطر الشرك. Beaucoup de parents ils font dua pour leurs enfants, لكن كثيرا c'est sur الدنيا. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve de la maladie, qu'Allah les préserve du mal de un tel, qu'Allah il leur donne un travail, qu'Allah il leur facilite le mariage. Beaucoup de dua fi hada, hada c'est طيب. لكن on ne doit pas négliger ce dua qui est beaucoup plus important. On fait dua fi sujoudina وفي غير السجود أن الله سبحانه وتعالى il écarte nos enfants du shirk et كذلك du mal des mouchriquines. Tu as un exemple هنا في إبراهيم. على كل حال, ce verset c'est un دليل أن on doit faire الدعاء. On doit faire الدعاء أن الله سبحانه وتعالى et nous préserve et nous fasse mourir على التوحيد. قال فإبراهيم لم يأمن على نفسه الفتنة مع علمه ويقينه وهو الذي كسر الأصنام بيده وألقي في النار بسبب ذلك. C'est lui qui a cassé les idoles et ils l'ont lancé dans le feu كما تعلمون, à cause de cela, et malgré cela il fait du'a, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le préserve d'adorer ses idoles عليه الصلاة والسلام. قال ومع هذا يخاف على نفسه من الفتنة. Et si Ibrahim il a eu peur pour son nafs, comme قال بعض السلف, فمن يأمن الفتنة بعد إبراهيم. Qui c'est qui va se sentir préservé après Ibrahim? Si Ibrahim il a eu peur pour lui, عليه الصلاة والسلام, مع أنه c'est un نبي un رسول معصوم. الأنبياء ils font pas de shirk أبدا, لا أكبر لا أصغر, ils sont préservés. عصمة contre Hada, ils ne peuvent pas faire de shirk abadan. Il était appuyé par la révélation. Khalilullah. Ma'a Hada, il a eu peur à la nafsi. Nous, avec nos faiblesses, il a appelé. La shak anna, on n'est pas à l'abri. Qala, la taghtar bi'ilmik, wa ta'man ala nafsik min al-fitna, walakin kun da'iman ala hadar min al-fitna. Que ce soit fitnatu shirk, ou fitnatu al-bid'a, ou fitnatu al-inhiraf, ou fitnatu al-ma'asi, ou fitnatul hawa, ou fitnatul ay fitna, ne te sens pas à l'abri. Falihada, quand tu entends ou tu vois quelqu'un qui s'égare, n'est pas cette ayyadam billah, l'orgueil comme certains. Annahum yafrahoun, ils se sentent à l'abri. La tafrah. La tafrah avec cette chamata. C'est très très grave. L'insan, il n'est pas à l'abri. Non. Fa'ala kulli hal, l'insan yahdar de n'importe quelle fitna. Fala taghtar bi'ilmik, et ne crois pas que ce qui préserve des fitnes c'est que l'ilm. Là, la chakana l'ilm c'est utile et c'est une cause azima, mais celui qui est préservé c'est celui qu'Allah il préserve. Comme minan nas, ils avaient du ilm et ils se sont égarés. Comme minan nas, ils sont à la jahl, c'est des ignorants, ils ne connaissent pas grand chose, et walillahil hamd, ils sont à la jahl par rapport à leur par rapport à leur connaissance, et ils sont à la khair. L'essentiel, c'est l'ikhlas. As-sidq wa l'ikhlas, bi-idhnillahi azza wa jal, c'est un bouclier contre les fitnes. Wa tawadu', la modestie, kadhalik. Et l'insan, il connaît son nafs et il ne se précipite pas. Beaucoup de causes qu'on a déjà citées pour s'écarter des fitnes. Qala, bi-alla tazil bika al-qadam. وتغتر بشيء يكون سببا لهلاكك وضلالك فإن بعض المغرورين اليوم يقول إن الناس تجاوزوا مرحلة الجهل والبدائية وصاروا مثقفين واعين ولا يتصور أن يعودوا للوثنية أو نحو من هذا الكلام الفارغ صحيح لماذا؟ لأن هؤلاء دي جهال كونسبا التوحيد كونسبا الشرك Ils ne connaissent pas Da'wat al-Anbiya, ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatan, qawiyya, ses noms, ses attributs. Juhal. Yadhunnoun anna les connaissances qu'ils ont, et en général c'est thaqaf, c'est de la culture, et c'est mélangé avec du sahih, du da'if, ahyanan c'est des afkar qui contredisent al-aqid al-sahih al-muhim. Ils pensent que c'est leur intelligence, leur compréhension, qui les a guidés, yadam billah. Et ça, c'est très très grave. Kalam farir, kama qala al-Sheikh al-Fawzan, hafidahullah. Qala, walam yuftan li'ibadat al-adriha allati tantashir fi kathir min al-bilad al-islamiyya. Walam yandur fima wasala ilayhi kathir min al-nas min al-jahli bil-tawhid. Al-waqi' kadhalik. Al-waqi' c'est ce qui se passe. C'est une preuve claire. Un shirk, il se propage dans certains endroits et il est présent. Il a yomina. Donc ça nous montre l'importance de mettre en garde contre un shirk. À ma pensée qu'il n'y a pas de shirk, les bains, ils pensent qu'il n'y a pas de shirk. Il y en a, ils pensent que shirk, c'est prétendre à la foulée, c'est un créateur. Allez, ils disent à Oula qui adore les tombes. Bardon, ils disent que c'est pas bien. Il a après, qu'il pour eux, c'est pas du shirk. Les bains. لأن عندهم الشرك الشرك في الربوبية فقط كما تقدم يعني ما لك خافتي على كل حال لا conclusion يكون اسمه الشرك أن الشرك que tous les prophètes et les messagers عليهم الصلاة والسلام ils ont combattu ils ont mis en garde c'est الشرك في العبادة dans l'adoration هذا قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل هذا كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عيون غبن أمتنا فقوله فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه هذا c'est un exemple pour te montrer أن on n'est pas à la rue et هذا ça doit nous pousser à avoir peur une كلمة un mot عياذا بالله الإنسان يفقد صمته واحد ينسلط الله واحد يدين كلمة دو الشرك واحد يسمك دو بروفيت عليه الصلاة والسلام avec une كلمة يكفر بالله عز وجل قال وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل أما العذر العذر بالجهل تقدم معنا تقدم معنا إن شاء الله ونسيغا دو تخيتي للسجي أكثر dans des cas Dans des cas, l'insan la yu'adhar, dans des cas yu'adhar, ça dépend des masa'il. Il y a des masa'il, maintenant, le ma'ruf. Maintenant, le ba'd al-kalimat. Insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Wahad qui insulte Allah, azza wa jal. Khasatan, il est dans un pays musulman. Ahal hadha, on va dire, c'est un jahl. Tout le monde sait qu'il ne faut pas insulter Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe quel ignorant, insulter Allah azza wa jal, la chèque, c'est du kufr. لكن هذه مسائل في هذا الباب في باب التوحيد في باب الشرك ربما الإنسان سيلا قالي من إذا بخل فقد يعذر وهذا تقدم معنا إسك الشيخ الفوزان إلى السيت هذا ننظر قال الشيخ الفوزان قد يقول الإنسان كلمة من الكفر تحبط عمله كله تحبط عمله كله أي سأنل تتسيزم إن كلمة ولهذا celui qui connaît هذا qui connaît son دين et qui connaît ce point important Est-ce qu'il va se sentir à l'abri? Tant qu'il respire, il n'est pas à l'abri. Ayyadam billah. Comme une fitane, comme une asbab, ça peut pousser l'insan à dire des choses très très graves. Allez, on répète un al-mu'min, il demande un thabat. Il demande salam. Salam ou l'afia. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver. قال كالرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتأل علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك قال في الحاشية رواه مسلم تقدم معنا هذا الحديث في كتاب التوحيد قال كلمة واحدة تجرأ فيها على الله وأراد أن يمنع الله أن يغفر لهذا المذنب فالله جل وعلا أحبط عمله وغضب عليه أكذ الكلمة أي لا جغي والله لا يغفر الله لفلان إلى جغي أن الله سبحانه وتعالى يبعدن غطاء أنتل من الناس أي une personne qui faisait des péchés et il a juré أن الله يبعدن غطاء هذا c'est très très grave qui c'est qui l'a informé بهذا من أخبره إلا عياذا بالله لا بريسيبيتاسيون والغرور إلى آخره فهذه كلمة لا بوسا أصبر أون كلمة فلهذا الإنسان يحذر إي سانوموت هذا أن كثرة الكلام سي با طيب خاصة سولي في لا كولير خاصة كونت الإنسان اللي بعلى علم خاصة كونت الإنسان اللي بعلى افيك ان اوتر إي سانك سون نيف سا لو بخون دو دوسو كثرة الكلام سا بو تو فير دير دي شوز تخي تخي غراف أما سولي كي بارل بو et qui parle de ilm, et qui s'écarte des passions, et ne parle pas sous l'effet de la colère, et il ne se précipite pas, Inch'Allah, il sera à la khayr. قال, وَالْإِنسَانُ قَدْ يَتَكَلَّمْ بِمِثْلَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَنَحْوِهَا فَيَخْرُجْ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ فَالَّذِينَ مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لما قالوا مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هؤلاء أَرْغَبَ بُطُونًا وَأَكْذَبَ أَلْسُنًا وَأَجْبًا عِنْدَ اللِّقَاءِ يزعمون أنهم قالوها من باب المزح تقدم معنا كذلك هذا الحديث في كتاب التوحيد أي sur le chapitre sur الاستهزاء لا se moquer du prophète صلى الله عليه وسلم أو de la religion فهؤلاء ils ont dit ces phrases ces mots ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا أي pense qu'à manger وأكذب ألسنا أي ils mentent وأجبا عند اللقاء أي ils ont pas de courage هؤلاء أو هذا الرجل الذي صافي النبي صلى الله عليه وسلم إليه كم بعض certain compagnons qui étaient معه ils allaient à une bataille en plus de cela ils allaient في الجهاد ils étaient في الجهاد إلى ذي الكلمات قال ويقطعون بها الطريق بزعمهم أي quand الصحابي رضي الله عنه il a entendu dire هذا et il lui a dit je vais aller informer النبي صلى الله عليه وسلم qu'est-ce qu'il a prétendu هذا الرجل قال كلمات نقطع بها الطريق أو كما قال نقطع بها الطريق أي c'est pour passer le temps لأن le voyage surtout à l'époque c'était très très long des jours des semaines des mois de marche et sur les chameaux il a arrêté il a prétendu أن هذا الكلام c'est pour faire passer le temps قال الله فيه quand الصحابي رضي الله عنه il est parti voir النبي صلى الله عليه وسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي le verset était déjà descendu sur le prophète عليه الصلاة والسلام قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قال شيخ الفوزان حفظه الله دل على أنهم مؤمنون في الأول فلما قالوا هذه الكلمة كفروا والعياذ بالله مع أنهم يقولونها من باب المزح واللعب فسنموت خلنا هذه الكلمات الكفرية أنسلت الله عز وجل أو سموكي دو لا ريليجيون أو سموكي دو بروفيت صلى الله عليه وسلم يا أوكين ديفيرونس أنتر سولوي كي بليزونت وسولوي كي سيريو يا أوكين ديفيرونس ياك أن كا والإنسان يبو إتكسكوزي باب الإكراه سي دي زينمي دو الإسلام Il le force, il le menace de le tuer et il doit dire une kalima. Kufr, matalan, insulter Allah, se moquer. Wa qalbuhum mutma'innun bil iman, bien sûr, c'est un autre sujet comme a taqaddam ma'ana fi nawaqid al-islam. Amma, plaisanter, passer le temps. Pardon, ils disent mais j'étais pas sérieux. Hadha al-kalam la yanfa. C'est du kufr, ayyadan billah. Amma qawluhu ala annahum mu'minun fi al-awwal, al-ulama ikhtalafu fi hadha. Ay عند قول الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي est-ce que cet homme c'était un kafir أم لا أو c'était un mu'min ثم il est sorti de l'islam Est-ce que c'était un munafiq qui faisait apparaître l'islam ou c'était un mu'min ثم il est sorti de l'islam. ظاهر كلام شيخ الفوزان انه يقول انه مؤمن بعض العلماء يقولون هذا انه c'est un mu'min. لكن le fait de se moquer du prophète صلى الله عليه وسلم il est sorti de l'islam. عياذا بالله. والقول الصحيح انه c'est un munafiq. والدليل على هذا ان ce verset كما تعلمون c'est un verset de sourate At-Tawbah. Wa sourate At-Tawbah c'est une sourate fadhaha Allah fiha al-munafiqin. C'est pour ça que juste avant ce verset, قال الله عز وجل يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره. Juste avant, يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره. Et les munafiqun craignaient toujours ان الله عز وجل révèle un verset au prophète صلى الله عليه وسلم pour les démasquer. Juste après, قال عز وجل قل أبي الله وآياته إلى آخر الآيات. هذا سمونخ أن الصحيح سك هذا الرجل ستا منافق. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره من فائدة السيد كيباسيتي دان الإكسبيكاسيون قال فإن قيل كيف قال كفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين. هذا سنشكال. Si on dit que sahih, c'est un munafiq, c'est ça qu'on dit sahih. Lakin, wahid, il peut se poser la question, qawluhu azza wa jalla, la ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum, fa'athbat allahu lahu, ou lahum al-iman, ba'd imanikum. Et vous avez mécru après avoir cru. Donc ils ont cru. Allez, hala, ba'du ahl-ilm, ils disent que c'est un mu'min. قال الإمام البغوي رحمه الله إلى répondu معناه أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمان. أي كم vous avez fait apparaître le kufr ou vous avez fait apparaître le kufr après avoir fait apparu الإيمان. أي بعد إيمانكم أي الإيمان qui montrait aux gens. وإلا c'était pas un mu'min. لأن المنافقين كما تعلمون il faut apparaître l'islam ou l'iman. Ils font salat, ils vont au masjid, ils vont au jihad, ils allaient au jihad avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a akhri. Hada lil-iman. Allez, hada qala azza wa jalla, ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, ay votre iman à vous. C'est pour ça que ta'ammal al-aya qala azza wa jalla, ba'd imanikum, ay votre iman à vous. Et c'est quoi l'iman des munafiqoun? L'iman ou l'munafiqin, c'est de faire apparaître, et fal-haqiqa, c'est des kuffars. Donc il n'y a aucun ishkal. هذا الإيمان لا ينفع. على كل حال من سندي كذا مؤمن إلى أن يلبس إسلام عياذا بالله. لكن القول الصحيح ما رجحه الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره أن هذا الرجل ستان منافق. قال وقد يقولها وهو يظن هذا كلام شيخ الإسلام وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يظن المشركون. أي يقول كلمة الكفر وهو يظن أنها تقربه إلى مثل ما يقول المشركون تقربه إلى نعم نجا السقط إلى وزاري إلى الله وزاري إلى مثل توس أي نعم ينسقط كأنه ينسقط تقربه أو تقربه إلى الله مثل ما يقول المشركون نعم لعل ينسقط إماك لفظ الجلالة قال مثل ما يقول المشركون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله لتصن مصيرة ربما يقول كلمة الكفر peut-être que بعض الناس ils disent une parole très grave qui fait sortir de l'islam et ils pensent que cette kalima les rapproche de Allah سبحانه وتعالى ils pensent que c'est une عبادة alors que c'est du كفر مثلا demander aux morts بعض الخرافيين القبوريين ils pensent que cette demande par la blouassi là ils disent cette demande pour eux c'est une ibad azim ça qu'ils le font en public et là, après, pour eux c'est une ibad azim alors que c'est du kufr invoquer autre qu'Allah c'est du shirk billahi azza wa jalla ça c'est une musiba qala khususan in alhamaka Allah ma qassa an qawm Musa ma'a salahihim wa ilmihim annahum أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثال. Deuxième exemple avec L'histoire de Qom Moussa, ceux qui étaient avec Moussa, alayhi salatu wassalam. قال قوم موسى هم بنو إسرائيل الذين آمنوا بموسى خرجوا معه من مصر حيث أمره الله أن يخرج بهم فرارا من فرعون فخفي عليهم هذا الأمر مع أنهم علماء وفيهم صلاح وتقوى. Ils étaient avec Moussa. Et ils ont fui Pharaon. Ça prouve qu'ils n'ont pas suivi Pharaon. Ils ont suivi Moussa. Et ils avaient du ilm. لماذا لأن التوراة est descendue sur Moussa. Ils avaient des connaissances. Et Taura qui est descendu sur Moussa, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال مع هذا وخرجوا مع موسى مقاطعين لفرعون وقومه. L'hydra. Ils ont fait l'hydra. Ils ont délaissé Pharaon et son peuple et sa terre pour suivre Moussa. Aïe l'Allah azza wa jal. قال فلما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم أرادوا تقليدهم في ذلك وطلبوا من موسى فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عياذا بالله. فتنة. Cette fitna, c'est quoi? Les anomaghtarru bil akhari. Ça, c'est une des causes de l'égarement, yadam billah. Taqlidu al-kuffar. Ils ont vu les kuffar al-ham, annahum, ils adoraient des idoles. Ils ont demandé à Moussa, ij'allana ilahan kama lahum ahliha. Pourtant, ils venaient de fuir Fir'aoun. Et ils ont suivi Moussa pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et, yadam billah, quelques temps après, ils sont tombés, kathirun minhum, dans cette fitna. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فأنكر عليهم موسى هذه المقالة وأخبرهم أن عمل هؤلاء القوم شرك بالله عز وجل. نعم أنكر عليهم موسى. لماذا؟ لأن موسى عليه الصلاة والسلام سي رسول سي نبي ومنطخ الأبطنز التوحيد لا غرافتي دو الشرك. قال فانظر كيف خفي عليهم هذا الأمر مما يدل على خطورة الجهل بالتوحيد وعدم معرفة حقيقة الشرك مما يسبب أن الإنسان قد يقول الكلمة التي تقتضي الكفر والخروج من الدين وهو لا يدري. ceux qui font pas d'effort عياذا بالله. انظر هؤلاء ils étaient avec Moussa عليه الصلاة والسلام. Ils ont pas d'excuses, ils sont معه. Au lieu de lui demander, au lieu de se renseigner, هم لا. Ils ont directement عياذا بالله demandé هذا الشرك. اجعل لنا إله. Au lieu de demander est-ce que c'est permis, il a akhri, là, ils l'ont demandé, on veut un ilah comme eux. Ayyadam billah. Ça montre la gravité de l'jahl et du inad, kadal. Mais celui qui veut apprendre, même s'il est ignorant, même s'il veut une faute, fayatoub ilallah, il revient, et inshallah, yakun ala khir. Lakin al mushkila, c'est l'jahl, l'ignorance, avec l'inad, avec l'orgueil. Hadi, c'est le mursila. قال ولا يخلصك من هذا وأمثاله إلا العلم النافع الذي به تعرف التوحيد من الشرك وتحذر به من القول والفعل اللذين يوقعانك في الشرك من حيث لا تدري. نعم. Faut faire des causes. Il faut faire du'a. Et bien sûr, il faut avoir une bonne intention et il faut faire des causes. Et la plus grande cause, c'est l'ilm. العلم النافع. Apprendre التوحيد. Pour pouvoir l'appliquer, apprendre le shirk pour s'en écarter. Apprendre shubuhat al-qawm. Il y a al-mushrikin, ils ont des shubuhs. Ça ta'ati ma'ana, incha'Allah ta'ala, via d'al-kitab. Connaître, comprendre leurs shubuhs. Hatta l'insan, il a fait les causes. Avec ses causes, une bonne intention, être sincère, ikhlas, wasidq, bi'idnillahi azza wa jal, l'insan, il est à la khayr. Et il sera à la khayr, bi'idnillah. قال وهذا يدل على بطلان قول من يقول إن من قال كلمة الكفر أو عمل الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل. هذا لا يلزم. هذا لا يلزم. Le fait d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du kufr. Même si il prétend أنه c'était pour plaisanter, أنه il n'a pas pensé ce qu'il disait, c'est du kufr بالله عز وجل. Sauf si il est majnoun. المجنون مرفوع عنه القلم. Ou Ahad qui a perdu la raison, et avant de perdre la raison, c'était un musulman. Thumma Abtoulia, il a perdu sa raison, il insulte Allah, ça reste un musulman. Le hukm, c'est sur quoi il était avant d'avoir perdu la raison. C'est un musulman, ça reste un musulman. Même s'il insulte Allah, il sépare, ou fi al-qalam an. Amma celui qui a la raison, s'il dit cette kalima, thumma il prétend là, mon cœur, j'ai pas pensé, la yamfa. La yamfa. L'imad ali anna, le fait d'insulter Allah, c'est du kufr. Qala. حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل. لا هذا كما قال شيخ الفوزان سيخطأ هذا. قال ومن يقول إن الجاهل يعذر مطلقا ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون إلى العلم والحديث في هذا الزمان. فهنا الشيخ الفوزان il a précisé contrairement au premier passage qu'on avait lu. أما هنا il a fait une précision. قال إن الجاهل يعذر مطلقا. نعم هذا صار خطأ. كما قال الشيخ الفوزان. قال ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم. même s'il peut demander, même s'il peut apprendre. البعض يقول إلي إكسكوزي على كل حال لا هذا صح خطأ كما قال الشيخ الفوزان كذلك لفت دجير أنه إلي با إكسكوزي مطلقا في باب التوحيد صح خطأ لأن البعض يقول من العلماء يقول مثلا أن القرآن إلي بخوباجي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلي بخوباجي بارتو الآن avec les médias avec إلى آخره donc personne n'a d'excuse هذا فيه نظر si واحد vraiment إلي إكسكوزي il comprend pas il a pas compris الحجة et il est à la djel si bien sûr il n'a pas les capacités de demander d'apprendre il a appris par qawl sahih c'est qu'il est ma'adour ala kulli hal hadhihi al mas'ala fiha tafsil celui qui dit al jahil yu'dhar mutlaqan c'est un khata celui qui dit que l'ignorant il est excusé dans tous les cas là s'il vit au milieu des musulmans il peut apprendre il peut demander le khair muntashir et il fait aucun effort limada ça reste un ignorant لكن تقدم معنا أن الجهل هي دو كاتيجوري هي جهل الجهل إعراض avec إعراض أي il sait pas et il veut pas apprendre هذا il est pas excusé donc الجهل أنه الجهل يعذر مطلقا هذا c'est pas صواب كذلك أنه لا يعذر مطلقا كذلك c'est pas صواب لماذا لأن الحقيقة هذه المسألة c'est beaucoup du cas par cas بعض الناس مثلا يقولون لكن à notre époque avec les médias tout le monde sait il a akhri la chaque à notre époque ça s'est beaucoup propagé لكن si on dit ana fulan vraiment même ça s'est propagé il sait pas خاصة dans certains pays dans les masajid كذلك ça parle pas beaucoup de tawhid même si le Coran les récite le بعض ils ne comprennent pas وتقدم معنا ان الحجة تقوم اذا فهمت أما il entend le Coran, il comprend pas. خاصةً s'il y a des savants de l'égarement. صوفية, شيعة, روافض, qui appellent au shirk, ويزينون الله, et lui, il croit vraiment que c'est de l'islam. هذا, لا شك que c'est un autre sujet, et ça rentre pas vie. Ça rentre pas vie. أنه il n'est pas excusé là. والله أعلم. Et le كلام في هذه المسألة, il est كثير. Et العلماء فصلوا في هذا. Et comme تقدم معنا celui qui veut comprendre la boule يجمع كلام اهل العلم قبل هذا الادله qu'est-ce qu'ils ont dit les savants بانصاف وصدق ان شاء الله le قول الصحيح c'est que المساله فيها تفصيل اي il faut détailler tu peux pas dire personne est excusé tu peux pas dire tout le monde est excusé là ça dépend il y a plein de critères qui rentrent en compte والله اعلم نكتفي بهذا والحمد لله on passe à notre deuxième verse ان شاء الله